On commence, Inch'Allah. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man walahu amma ba'd. On commence donc aujourd'hui le cours numéro 100, le centième cours aujourd'hui dans l'explication de Qurrat Uyun al-Muwahidin, qui est le charh de Kitab al-Tawhid. Écrit par le petit-fils du Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, c'est le Cheikh Abdurrahman ibn Hassan al-Cheikh, hafidhahullah, rahimahullah, et avec les commentaires de Cheikh Salih al-Fawzan, hafidhahullah ta'ala. Donc, on va commencer, Inch'Allah. On était arrivé donc à l'explication du hadith dans le chapitre au sujet de Maja'a fi fidh-dhabh li ghayrillah. Qu'est-ce qui a été mentionné au sujet du fait d'égorger pour, du fait que quelqu'un égorge pour autre que Allah, et qu'on a expliqué que ça rentrait dans le shirk, que ça faisait partie du shirk. Et on explique également à ce sujet qu'il y avait deux versets qui ont été mentionnés dans le chapitre et deux hadiths également. Donc, le premier hadith, on l'a expliqué, c'était rapporté selon Ali ibn Abi Talib. Et l'autre hadith maintenant, c'est celui qu'on va expliquer aujourd'hui selon Tariq ibn Shihab. Au sujet de ce hadith, il y a justement des ulama qui ont mentionné des choses au sujet de son authenticité. Donc il y a eu des paroles entre les ulama par rapport à ça. N'empêche que dans le hadith en question, il y a des leçons à tirer et des points très bénéfiques. Donc ici le Cheikh Abdurrahman ibn Hassan il dit wa qawluhu an Tariq ibn Shihab anna Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam qala dakhala rajulun al-janna dakhala al-jannata rajulun fi dhubabin wa dakhala an-nara rajulun fi dhubab qalu wa kayfa dhalika ya Rasulullah قال مر رجلان على قوم لهم صنم لم يجوزه أحد حتى يقرب له شيئا فقالوا لأحدهما قرب قال ليس عندي شيء أقرب قالوا له قرب ولو ذبابا فقرب ذبابا فخلوا سبيله فدخل النار وقالوا للآخر قرب فقال ما كنت لأقرب لأحد شيئا دون الله عز وجل فضربوا عنقه فدخل الجنة رواه الإمام أحمد. نعم. Donc le hadith, on va traduire, après on va lire l'explication de Cheikh Al-Fawzan à son sujet. Donc le hadith, c'est le hadith qu'on a dit selon Tariq, rapporté selon Tariq ibn Shihab, et il explique que un homme est rentré au paradis à cause d'une mouche et l'autre est rentré en enfer à cause d'une mouche. Et là, les sahaba ont posé la question au messager d'Allah, explique-nous comment est-ce que cela est possible, comment cela est arrivé. Alors, le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a clarifié la situation. Et il leur a dit, il y a deux hommes qui sont passés par un peuple qui avait une idole. Et il ne laissait personne traverser, à moins que la personne donnait un sacrifice, faisait un sacrifice à leur idole. Alors ils ont dit à l'un des deux hommes, fais un sacrifice, hein? Fais un sacrifice pour l'idole. Alors le premier il a dit, moi je n'ai rien à donner. Il a dit, je n'ai rien que je pourrais donner comme sacrifice à l'idole. Alors ils lui ont dit, donne n'importe quoi, même une mouche, hein? Sacrifie une mouche même, n'importe quoi. Alors il a sacrifié une mouche pour leur idole et ils l'ont laissé passer. Et il est rentré en enfer. Il dit, tandis que le deuxième, ils lui ont dit, fais un sacrifice. Alors, il a dit, je ne ferai jamais un sacrifice, hein, à quiconque, excepté à Allah. Alors, à ce moment-là, ils l'ont tué. Hein, ils lui ont coupé la tête. Et il est entré au paradis. Donc, on voit que parfois dans la vie, on a des épreuves comme ça, on est éprouvé dans notre foi. Et des fois, ça peut être pour des choses qui peuvent nous sembler vraiment banales et insignifiantes, comme une mouche, par exemple. Eh bien, une mouche peut nous faire rentrer en enfer. Hein, si c'est quelque chose qui est une cause pour nous faire tomber dans le shirk. Hein, Allah al-Musta'an. Parce que le shirk, c'est le plus grand de tous les péchés, même si c'est avec une mouche qu'on l'a fait. Donc le Cheikh Al-Fawzan, il explique ça justement. Il dit ici, هذا الحديث رواه طارق بن شهاب البجلي الأحمسي رضي الله عنه وهو من صغار الصحابة يقال لم يروي عن الرسول صلى الله عليه وسلم شيئا لصغاره فيكون رواه عن غيره من الصحابة وهذا لا يضر لأنه مرسل صحابي والصحابي لا يرسل إلا عن صحابي مثله والصحابة كلهم عدول رضي الله عنهم وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقص على أصحابه من قصص الأولين لأجل العبرة والعظة وهذا من معجزاته صلى الله عليه وسلم حيث أنه يخبر عن أشياء لم يكن أدركها أو شاهدها وإنما لأن الله تعالى أوحاها إليه وأعلمه بها دليلا على صدق رسالته قال مر رجلان على قوم لهم صنم يعبدونه من دون الله لا يجوزه أحد يعني لا يمر من عنده أحد حتى يقرب له شيئا يعني يذبح أو يتقرب له بشيء من العبادة يجبرون الناس على أن يعبدوا هذا الصنم ولا يدعونهم يمرون فإذا خضعوا لهذا الصنم تقربوا بشيء من أنواع العبادة يسمحون لهم بالدخول مثل الجوازات لا يسمحون لأحد يمر إلا معه جواز والجواز عندهم وهو الشرك بالله وهذا دليل على حرص المشركين على عبادة غير الله ولذلك يبذلون أنفسهم وأموالهم في سبيل حماية الشرك والعياذ بالله فقد قاتلوا الرسول وقاتلوا المسلمين من أول الخليفة إلى الآن حماية للشرك وغيرة على الشرك نسأل الله العافية يقولون دعوا الناس أحرارا كلا يتبع ما يراه ويتصادرون الحريات وهم المشركون يصادرون الحريات ويتركون المسلمين ولا يتركون المسلمين فلو سكت عنهم المسلمون هم لا يسكتون عنهم أليسوا الآن يقتلون المسلمين لا لشيء إلا أن يقولوا ربنا الله ماذا ما قالوا الناس أحرار في عبادتهم، اتركوا الناس كلا على دينه، تعايشوا التعايش السلمي الذي يسمونه، وما حصل هذا من الكفار ولن يحصل أبدا. ولكن كيف نحن نقبل دعاياتهم في التعايش كما يقولون؟ أبدا، إذا تمكنوا من المسلمين فلن يتركوهم على دينهم أبدا. Donc on va traduire ce passage là, c'est en fait c'est très bénéfique et très édifiant يعني, comme passage. Le cheikh il explique ici le hadith. Premièrement, il est rapporté selon Tariq ibn Shihab al-Bajali al-Ahmasi et radiyallahu anhu, c'est un qui était très jeune parmi les sahaba, c'est un des petits parmi les sahaba, en voulant dire qu'il était très jeune à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam. En fait, ils disent même, les ulama ils disent même qu'il était trop jeune à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam pour avoir rapporté des hadiths du prophète directement sallallahu alayhi wa sallam. Et ça, les ulama ils disent que ça veut dire en réalité que lorsqu'il rapporte des hadiths, il les rapporte de ce qu'un autre sahabi lui a raconté ou lui a rapporté. Et il dit, et dans ce cas-là, il n'y a pas, y a aucun problème avec ça, puisque le hadith qui est rapporté d'un sahabi, un sahabi qui rapporte d'un autre sahabi, hein, c'est qu'est-ce qu'on appelle mursal ou sahabi. Et qu'est-ce qui est mursal de la part d'un sahabi? Eh bien, yani, s'il rapporte d'un sahabi comme lui, eh bien, à ce moment-là, yani, c'est acceptable, puisque tous les sahabas sont fiables et honnêtes dans la transmission des hadiths du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il rapporte, yani, des fois des histoires des peuples qui nous ont précédés, dans le but de nous donner des leçons et de nous exhorter. Et ça fait partie en même temps de ces miracles, sallallahu alayhi wa sallam, puisqu'il peut nous informer parfois de certaines choses qu'il n'a pas lui-même vécues, n'a pas lui-même été témoin de ces choses-là, mais c'est Allah Azza wa Jal qui lui révèle ces informations-là et qui lui fait connaître ces choses. Et donc c'est une preuve de la véracité de sa mission prophétique, sallallahu alayhi wa sallam. Et donc il raconte qu'il y a deux hommes qui sont passés à un endroit, quand il passait là où il y avait un peuple qui adorait un idole. Et ils adoraient cette idole en dehors d'Allah, et ils ne laissaient personne traverser, à moins que la personne fasse un sacrifice pour se rapprocher à leur idole, en offrant à cette idole-là une adoration, c'est-à-dire en faisant un sacrifice. Et ils imposaient cela aux gens, en disant, si vous ne faites pas de sacrifice à l'idole, eh bien, on ne vous laisse pas passer. Et donc, ils ne laissaient personne passer, excepté à condition que la personne se soumette à leur idole et qu'ils donnent un sacrifice ou une offrande à l'idole. Et lorsque la personne acceptait de faire ce sacrifice-là, alors il la laissait rentrer, il la laissait passer. Il dit, c'est comme les douanes aujourd'hui. Lorsque tu passes aux douanes, tu ne peux pas traverser, excepté si tu as un passeport. Il dit, et pour eux, ces mouchriquines-là, à cette époque, dans ce peuple, leur passeport, c'était le shirk. C'était de faire le shirk avec Allah. Donc, le cheikh, il dit ça nous donne une indication du désir et de l'effort que les mouchriquines font pour faire en sorte que les gens adorent autre que Allah. Et le cheikh, il dit que c'est pour cette raison-là qu'ils dépensent leur vie, ils donnent leur vie et leur bien dans le but de défendre le shirk. hein, et de protéger le shirk. Et ils ont même combattu les messagers, ils ont combattu les musulmans, depuis même l'époque du premier khalifa, jusqu'à aujourd'hui, ils continuent à protéger et à défendre le shirk. Hein, Allah al-Musta'an. Et ils ont de la jalousie pour leur shirk et pour leurs idoles. Asallallahu al-afiyah. Et ils disent, aujourd'hui, on entend des discours comme ça et des slogans qui disent « Ah, les gens sont libres, on a la liberté, tout le monde est libre d'adorer ce qu'il veut et de suivre la religion qu'il veut, hein, la liberté de culte, la liberté religieuse, et ainsi de suite. » Et ils disent, chacun peut suivre ce qu'il veut. Hein? Et les mouchrikounes, ils prétendent défendre et accepter les libertés de chaque personne. Sauf la liberté des musulmans. Hein? Et le cheikh, il dit, si les musulmans, par exemple, les laissent et ils ne parlent pas contre eux, ou ne parlent pas contre qu'est-ce qu'ils font, eh bien, ça ne veut pas dire que eux, ils vont laisser les musulmans en paix. C'est-à-dire que même lorsque les musulmans, par exemple, on sait que nous, en tant que musulmans dans l'islam, on a le devoir d'appeler les mouchriquins à l'islam et de leur expliquer le tawhid et de leur montrer la fausseté du shirk. Ça, c'est notre devoir, c'est notre obligation en tant que musulmans. Mais beaucoup de musulmans, ils ne le font pas. Hein? C'est-à-dire, ils laissent les mouchriquins et ils ne leur font pas la da'wah, ils ne les appellent pas à l'islam. Et malgré ça, les koufars qui prétendent appeler à la liberté, à dire qu'ils sont, qu'il faut que chacun ait sa liberté religieuse, eh bien, malgré ça, ils veulent empêcher les musulmans de pratiquer l'islam. Et il dit, n'est-ce pas qu'aujourd'hui, dans beaucoup de pays maintenant, ils tuent les musulmans? Et il dit, c'est pour aucune autre raison que le fait que les musulmans ont dit, notre Seigneur est Allah. Et donc, yani le cheikh, il dit, les mouchrikoun, ils disent, ils disent pas aux musulmans, vous êtes libres d'adorer ce que vous voulez, laissez les gens chacun sur sa religion, et aller le vivre ensemble pacifique comme ils le disent aujourd'hui. Ils disent ça, on ne le voit pas lorsqu'il s'agit des musulmans. Et ça ne va jamais arriver non plus. C'est-à-dire qu'ils le disent en général, de façon générale, mais lorsqu'il s'agit de l'islam et des musulmans, là, la réalité de leur discours, il n'est plus le même. Et ça, on le voit, on le constate dans plein de pays. Et tu le vois, par exemple, en France et ailleurs. Les koufars, ils disent, ouais, toutes les religions sont libres, toutes les religions ont la liberté. Hein? Et ils ne font pas de problème aux bouddhistes, ils ne font pas de problème aux hindous, ils ne font pas de problème aux juifs, ils ne font pas de problème aux chrétiens, ils ne font pas de problème aux athées, ils ne font pas de problème à aucune autre religion. Mais quand c'est les musulmans, là tout d'un coup, ils font des lois pour interdire ci, pour interdire ça, pour faire ci, pour faire ça, et pour donner des problèmes aux musulmans. Et les imams, ils veulent leur faire signer des trucs pour leur dire non, il faut pas dire ça, il faut pas faire ça, il faut pas prêcher ça, il faut yani subhanallah, alors qu'ils disent on a la liberté de croyance et on a la liberté de pratique, la liberté de conscience, la liberté d'expression, tout ça c'est pour les autres, c'est pas pour les musulmans. Allah al-musta'an. Donc c'est ça la réalité. Même ici au Québec, ils veulent interdire les femmes musulmanes qui veulent se voiler islamiquement, qui veulent couvrir leur visage, ils veulent interdire ça. Et ils veulent faire des lois pour interdire des choses de ce genre, de la pratique de l'islam. Donc, où est-ce qu'elle est la liberté religieuse? Quand ça concerne les musulmans, elle disparaît complètement, cette liberté-là. Donc, ça veut dire la liberté de l'égarement, liberté du kufr, liberté du shirk, liberté de la perversité, de tout ce qui est débauche. Ça c'est permis. Hein? L'immoralité, toutes ces choses-là, ça c'est correct. La drogue, oui, ça c'est la liberté, c'est permis, c'est légal. Mais quand c'est pour que la femme se voile et pour que la femme musulmane elle pratique sa religion et pour que les hommes musulmans puissent pratiquer leur religion, là ça devient un problème. Un problème national. Nasallallahu alayhi wa sallam. Donc le cheikh, il dit ça veut dire quoi? Ça veut dire que les mouchriquins, ils veulent absolument imposer leur shirk et leur kufr aux musulmans et au peuple, et à tous les peuples de toute façon, à tout le monde. Ils veulent que les gens soient comme eux. Puis ils essaient de se cacher derrière un slogan de vivre ensemble, d'ouverture, de liberté. Donc, quand ils ont la possibilité d'empêcher les musulmans, ils ne les laissent pas pratiquer leur religion. Et donc, le cheikh, il continue, il dit, « La yajuzu ahadun hatta yuqarriba lahu shay'an, yani adna shay'. لأن مقصودهم الخضوع والانقياد والشرك بالله عز وجل أما ما يقرب سواء كان قليلا أو كثيرا هذا لا يهمهم المهم أن توافقهم على كفرهم وعلى شركهم فقالوا لأحدهما قرب قال ليس عندي شيء أقرب ما قال هذا شرك ولا يجوز وأنا مسلم لا أقرب لغير الله قالوا له قرب ولو ذبابا يعني اذبح لهذا الصنم ولو ذبابا فالرجل ذبح الذباب تقربا إلى الصنم من أجل أن يسمح له بالمرور فخلوا سبيله فدخل النار لما وافقهم وذبح لغير الله سمحوا له فذهب إلى النار وهذه عاقبة الشرك وعاقبة المشركين وقالوا للآخر قرب قال يعني ما قال ما عندي شيء قال ما كنت لأقرب لأحد شيئا دون الله عز وجل يعني صرح بعقيدته واعتز بدينه ولم يجب وهكذا المؤمن يجب أن يعتز بدينه وعقيدته ولا يساوم عليها ولا يستحي من ذكرها أو مصارحتهم لو عنده أزواج من الإبل من الغنم ما تقرب بها ليست العبرة أنه ليس عنده شيء العبرة أنه لا يذبح لغير الله وهذا هو التوفيق والشجاعة والاعتزاز بالدين والعقيدة فضربوا عنقه فقتلوه فدخل الجنة الموت حاصل ولكن موتا من بعد يعني موتا من بعده الجنة وموتا من بعده النار وهذا هو المهم فهذا الحديث واضح بأن الذبح لغير الله شرك ولو كان المذبوح قليلا ولو كان ذبابة donc ici le cheikh il explique que donc comme c'est mentionné dans ce hadith il ne laissait personne passer à moins qu'il donne quelque chose en sacrifice à leur idole, yani la moindre chose, la moindre chose. Pourquoi? Parce que le but pour eux, c'est que la personne accepte de se soumettre à autre qu'à Allah, et qu'il obéisse et qu'il fasse du shirk avec Allah. Il dit, tandis que, donc, c'est, peu importe qu'est-ce qu'il va sacrifier, que ce soit quelque chose qui est petit ou quelque chose qui est grand, c'est pas important pour eux. L'important, c'est que tu sois d'accord avec eux sur leur kufr et sur leur shirk. Hein? Et donc, ils ont dit à l'un des deux, donc le premier, ils ont dit, sacrifie quelque chose, n'importe quoi. Hein? Et yani, la personne, elle n'a pas dit, ça c'est du shirk, c'est pas permis, je suis musulman, je ne vais rien sacrifier pour autre que Allah. Non, lui, qu'est-ce qu'il a donné comme excuse pour dire qu'il ne veut pas le faire? Il a dit, je n'ai rien à sacrifier, je n'ai rien avec moi que je pourrais sacrifier. Donc ça, ça veut dire quoi? Ça veut dire, c'est comme s'il ouvre la porte, hein? Il ouvre la porte à la possibilité de faire le shirk. Hein, en voulant dire, bon, ça ne me dérangerait pas de le faire, mais j'ai rien à donner. Allah al-Musta'an. Donc, qu'est-ce qu'ils lui ont dit? Ils lui ont dit, donne n'importe quoi, même une mouche. C'est-à-dire, yani, même une mouche sacrifie pour notre idole. Hein? Et donc, l'homme, il a donné une mouche en sacrifice à l'idole pour que les gens le laissent passer. Et ils l'ont laissé passer. Finalement, ils l'ont laissé passer parce qu'il a fait le sacrifice à l'idole de cette mouche et il est rentré en enfer à cause de ça. Il a été d'accord avec eux pour faire un sacrifice pour autre que Allah. Hein? Et donc, ils l'ont laissé passer et puis il est rentré en enfer à cause de ça. Donc, quelqu'un pourrait dire, ah, mais comment ça? Quelqu'un va rentrer en enfer pour, à cause d'une mouche. Ça, là, c'est rien. Hein? Il n'y a rien de grave là-dedans. Et pourtant, tu vois qu'il y a des gens, par exemple, qui font, par exemple, pour montrer qu'ils sont ouverts, hein, et qu'ils sont libéraux. Qu'est-ce qu'ils font? Ils vont aller dans les célébrations des mouchriquines et ils vont participer à leurs pratiques de shirk. Et ils vont porter leurs habits, l'habit des mouchriquines, et ils vont faire des prosternations devant leurs statues ou leurs idoles. Tout ça pour montrer qu'ils sont ouverts d'esprit, puis qu'ils sont tolérants, puis qu'ils ont, hein, qu'ils ont pas de préjugés, et ainsi de suite. Sauf qu'il y a des limites. Il y a des limites. Si quelqu'un il est mu'min, il peut pas faire ça. Hein? Il peut pas faire ça. C'est comme par exemple, il y a certains politiciens, ils font des choses comme ça. Ils vont aller par exemple, quand c'est les élections, ils vont dans un, ou bien quand ils vont visiter d'autres pays, ils vont aller dans les temples des hindous, ils se prosternent devant les statues des hindous. Après, ils sortent, ils vont aller visiter un temple sikh. Là, ils vont se prosterner avec les sikhs. Et ils vont faire le shirk avec les sikhs. Et quand ils ont fini avec les sikhs, et ils vont mettre le turban et tout et tout, et quand ils ont fini, ils s'en vont chez les hindous, chez les bouddhistes, ils vont faire la même chose. Après, ils vont aller dans une mosquée. Là, ils vont prier avec les musulmans. Hein? Et après, ils vont aller chez les juifs quand ils vont dans un autre pays. Ils vont aller chez les juifs, ils vont porter les vêtements des juifs. Et ils vont faire les prières avec les juifs. Et après, quand ils ont fini, ils vont aller chez les chrétiens, ils vont prier avec les chrétiens. Tu dis, mais est-ce que cette personne, elle a une religion? Est-ce que cette personne, elle croit en quelque chose? Parce que celui qui agit comme ça, ça veut dire qu'il croit en rien. Hein? Du moins, un musulman ne peut jamais faire ça. Pourquoi? Parce que il ne peut pas accepter ce qui est faux. Peu importe. Ni pour se faire accepter, ni pour avoir des votes, ni pour se donner une image. Yani, peu importe. Ce qui est faux, on n'a pas le droit de l'accepter, peu importe la raison. D'accord? Donc, malheureusement, il y a des gens aujourd'hui. Ils veulent juste cette démagogie-là de se faire accepter par tout le monde et de se faire aimer par tout le monde. Et ça, pour eux, ça implique que tu dois accepter tout ce qui est mauvais et tout ce qui est contraire à ce que Allah aime, et ça c'est inacceptable. D'accord? Et donc ça rentre dans le kufr aussi, ça rentre dans le shirk. Parce que même si tu dis oui, je suis musulman, je crois en Allah, hein, et ben si tu dis ça, puis après tu t'en vas fêter avec les hindous, et après tu vas aller fêter avec les bouddhistes, et après tu vas aller fêter avec les sikhs, et après tu vas aller fêter avec les juifs et les chrétiens, alors tu n'as pas de religion. Même si tu dis que tu es musulman, ton islam, elle compte, elle tient sur rien, parce que ton tawhid, il a été détruit par ces pratiques-là. Hein? C'est comme si tu dis, je crois en Allah et qu'il est unique et j'adore personne que lui, hein, personne d'autre que lui, mais après tu t'en vas adorer avec les gens qui adorent d'autres que Allah. Donc c'est comme si tu dis, en réalité, je ne crois pas en la ilaha illallah. Parce que la ilaha illallah, ça veut dire que tu dois rejeter les idoles, rejeter tout ce qui est en dehors de l'islam, et rejeter tout ce qui contredit l'exemple du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc ce n'est pas une question ici de mujamala, hein, de vouloir paraître bien. Hein. Est-ce que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, quand il a reçu le message de l'islam, il est allé voir les mouchriquins et leur a dit « Oh, mais je vais adorer avec vous, hein, je vais faire des prières avec vous, je vais montrer que je suis tolérant de vos pratiques de shirk. » Non, jamais de la vie, au contraire. Hein? Et Allah Azza wa Jal, il le mentionne dans le Coran. Il dit je me désavoue de ce que vous faites, hein, et vous vous désavouez de ce que je fais. Hein? Je suis innocent de ce que vous faites et vous êtes innocent de ce que je fais. Et je n'adore pas ce que vous adorez et vous n'adorez pas ce que j'adore. À vous votre religion, à moi la mienne. À vous votre fausse religion de kofre et de shirk, et à moi la mienne, la vraie religion, la religion du tawhid, la religion de la foi, hein, en Allah. Donc tout ça pour dire, hein, que l'attitude du vrai musulman, elle ne doit pas être celle de celui qui accepte, par exemple, de sacrifier pour autre que Allah Azza wa Jal. Il dit, pour pouvoir passer, ils l'ont laissé passer. Donc ça dit, juste pour pouvoir passer dans un village, tu acceptes de faire le shirk, hein? Allah al-Musta'an, trouve un autre chemin, c'est mieux. Ou à la limite, tu restes ferme sur ta position, si tu n'as pas le choix, mais tu restes ferme sur ta position. Et le cheikh, il dit, lorsqu'il a été d'accord avec eux, il a égorgé pour autre que Allah, ils l'ont laissé passer, mais il est rentré en enfer. Donc à quoi ça sert d'être passé si tu vas aller en enfer à la fin, hein? Et ça, c'est la destination du shirk et des mushrikins, l'enfer. Et après, ils ont dit à l'autre homme, fais un sacrifice. Et il a dit, moi, il n'a pas dit, j'ai rien à donner en sacrifice. Il n'a pas dit ça. Lui, qu'est-ce qu'il a répondu? Il a été ferme. Il a dit, je ne vais jamais faire un sacrifice pour quelqu'un d'autre que Allah Azza wa Jal. Donc, il a été clair. Il a été explicite. Il a dit clairement, hein, qu'est-ce que c'est sa aqida. Et il a été fier, hein, de sa religion. Et il n'a pas accepté de répondre à leurs demandes. Et c'est comme ça que le croyant doit être. Et c'est obligatoire pour le croyant d'avoir une fierté pour sa religion et pour sa croyance, et de ne pas négocier, faire des négociations vis-à-vis de sa religion et de sa croyance. Et il ne doit pas non plus faire de compromis par rapport à sa foi. Il ne doit pas non plus être gêné, hein, de déranger ou de choquer les autres par rapport à sa croyance. Il ne doit pas être gêné de mentionner les choses et de dire les choses clairement et de façon franche et honnête, hein, et de donner sa position. Parce qu'il y a des musulmans comme ça qui sont gênés de la vérité. Alors que les koufars, eux, ne sont pas gênés de leur fausseté, de leur égarement. Eux, ils n'ont pas honte. Ils n'ont pas de gêne de mentionner ce qu'ils font comme shirk, comme kofr, ce qu'ils ont comme superstition et comme fausse croyance, ce qu'ils font comme perversité, comme péché, comme égarement. Ils n'ont pas de honte. Ils n'ont pas de honte de manger du porc et de faire le zina, de boire de l'alcool, de prendre de la drogue. Ils n'ont pas honte de ça. Hein? Ils le disent ouvertement, ils le font ouvertement, comme si rien n'était. Donc eux, ils n'ont pas honte de leur égarement et de leur fausseté. Pourquoi toi, tu as honte de la vérité? Pourquoi toi, tu as honte de la pureté? Pourquoi toi, tu as honte de qu'est-ce qui est bon, de qu'est-ce qui est bien, de qu'est-ce que Allah aime? Donc, remets-toi en question. Hein? Remets-toi en question. Tu n'as pas besoin d'avoir de honte ou de gêne vis-à-vis d'Allah et de sa religion. Hein? C'est ça que l'attitude du vrai croyant, il est comme ça. Il a une attitude qui est courageux. Hein? Il dit, même s'il avait eu des chameaux avec lui, ou des moutons, il n'aurait rien donné en sacrifice pour cette idole. Il dit, la question, hein, c'est pas est-ce qu'il avait quelque chose à donner ou non. La question, c'est, on ne peut pas faire de sacrifice pour autre que Allah. Et il a eu donc le succès d'avoir la bonne attitude, la bonne position. Il a été courageux, il a été fier pour sa religion et pour sa croyance. Et le résultat, certains diraient, surtout parmi les koufars, ils diraient, ah, mais à quoi ça sert? Il est mort, hein? Ils l'ont tué après. Et à quoi ça sert? Ça sert qu'il est mort sur la foi et qu'à cause de ça, il est rentré au paradis, justement. Et donc, la mort, c'est quelque chose qui va arriver de toute façon, peu importe, tôt ou tard, tu vas mourir, que ce soit par la cause de ta position qui a été ferme, ou que ce soit à cause du fait que tu as traversé la rue et tu t'es fait frapper par une voiture, ou bien que tu es tombé malade, tu as eu un cancer ou je ne sais pas quelle autre maladie, puis que tu es mort. Tu vas mourir de toute façon. Hein? Mais au moins tu vas... Hein? Comme le cheikh il dit, l'important c'est qu'est-ce qui arrive après. Est-ce que tu vas au paradis, hein? Ou est-ce que tu vas en enfer? Parce qu'il y a la mort qui est suivie du paradis et il y a la mort qui est suivie de l'enfer. Et ça, c'est deux choses différentes. Et l'important c'est justement d'être épargné de l'enfer. Ensuite, le cheikh il dit, donc ça c'est dans ce hadith, hein? C'est clair. Que le sacrifice ne doit pas être pour autre que Allah, et que si c'est pour autre que Allah, c'est du shirk. Même si la chose égorgée, hein, elle est petite, même si la chose c'est une mouche. Le cheikh il dit, لأن العبرة ليست في المذبوح وإنما العبرة بما في القلب فالذي سمح أن يذبح لغير الله دخل الجنة والذي لم يسمح يعني دخل الجنة وهذا مفترق الطرق بين الموحدين والمشركين فمن مات على الشرك دخل النار ومن مات على التوحيد دخل الجنة والشيخ رحمه الله ذكر من فوائد هذا الحديث فيه دليل على قرب الجنة والنار فما بينك وبين الجنة والنار إلا أن تموت والموت قريب لا تدري في أي ساعة تموت وتصير من أهل الجنة أو تموت وتصير من أهل النار وهذا مما يوجب على المسلم التمسك بدينه لأن لا ينزل به الموت وهو على غير دينه وعلى غير عقيدته فيتأهب للموت في كل لحظة ويكون على استعداد ويفكر في نفسه وعقيدته ويكثر من ذكر الله والتسبيح والتهليل ويكثر من ذلك لأجل أن يموت على هذا. نعم. Donc le cheikh il explique que donc ce hadith là, c'est clair dans l'interdiction d'égorger pour autre qu'Allah, même si c'est une mouche. Parce que l'important, ce n'est pas ce qui est égorgé, mais ce qui est dans le cœur de la personne lorsqu'elle égorge. Et si elle permet qu'on égorge pour autre qu'Allah, elle entre en enfer. Donc celui qui ne permet pas qu'on égorge pour autre qu'Allah, il entre au paradis. Et c'est là C'est ici que se séparent les deux chemins. Le chemin des gens du tawhid et le chemin des mushrikin. Et donc celui qui meurt sur le shirk, il va entrer en enfer. Et celui qui meurt sur le tawhid, il va entrer au paradis. Et le cheikh, il a mentionné, parmi les bienfaits, c'est-à-dire le cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, il mentionne dans le kitab al-tawhid, parmi les bienfaits de ce hadith, le fait qu'on soit conscient, de la proximité du paradis et de l'enfer de chacun de nous. Et qu'il n'y a entre toi et l'enfer, ou entre toi et le paradis, que la mort. Et donc la mort, elle est proche, elle est très proche de nous. On ne réalise même pas. Et on ne sait pas à quel moment la mort va venir. Hein? Que tu vas être parmi les gens du paradis et que tu meurs, ou bien que tu vas être parmi les gens de l'enfer. Et ça, c'est quelque chose qui oblige le musulman à rester accroché fermement à sa religion pour pas que la mort descende sur lui à un moment où il n'est pas sur justement la religion et sur la bonne aqida. Et donc on doit se préparer, hein. Il dit prépare-toi donc à la mort à chaque instant, hein, et que tu vas être prêt. Donc réfléchis, hein, pense à ta aqida. Pense à toi-même et fais beaucoup d'invocations et de tasbih, de dire subhanallah, de dire la ilaha illallah, hein, pour que si tu meurs, inshallah, tu vas mourir sur ça. Tu vas mourir sur le tawhid. Et le cheikh, il dit, فَهَذَا الْحَدِيثُ فِيهِ أَوَّلًا عِلْمٌ مِنْ عَلَمٌ مِنْ أَعْلَامِ نُبُوَّتِهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ حيث إنه حدث عن الأمم الماضية بشيء لم يشاهده. ثانيا فيه أن الذبح لغير الله شرك يوجب النار، ولو كان المذبوح شيئا يسيرا كالذباب والطائر والدجاج والحبار والحمام. Et le cheikh dit فَكَيْفَ بِذَبْحِ الرَّعَايَا مِنَ الْغَنَمِ وَلَزْوَاجِ مِنَ الْإِبِلِ الَّتِي لَمْ تُذْبَحْ عِنْدَ قَبْرِ الَّتِي تُذْبَحُ عِنْدَ قَبْرِ الْبَدَوِ فِي طَنْطَا أو غَيْرِهِ مِنَ الْأَضْرِحَةِ. الله المستعان. يأتون بقطيع الغنم والإبل والبقر وغير طنطا، يعني في كل مكان عند القبور إلا هذه البلاد، يعني بلاد المملكة، يعني والحمد لله ولله الحمد حماه الله بالدعوة المباركة. نسأل الله أن يثبتها على هذا وأن يكفيها شر الأعداء والحاسدين. وأيضا في البلاد غير المملكة الأضرحة تشتغل الليل والنهار بالشركيات والبلاء. أي نعم. Donc في البلاد غير المملكة الأضرحة تشتغل الليل والنهار بالشركيات والبلاء. ولا حول ولا قوة إلا بالله، وتعرفون بذلك نعمة التوحيد ونعمة العقيدة ونعمة الدعوة إلى الله عز وجل ونعمة الإخلاص لله عز وجل. هذه ثمرات الدعوة الصحيحة إلى الله عز وجل ودعوة الرسل عليهم الصلاة والسلام، وهي التي تنقي وتطهر الأرض من الشرك والبدع. أما المذاهب الأخرى والمناهج الأخرى فإنما تجيء بالوباء والشر، وكلا له دعاية وكلا له طريقة إلا هذا الطريق الواحد وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق به عن فتفرق بكم عن سبيله. Donc ici on va expliquer maintenant cette partie. Le cheikh il dit qu'il y a dans ce hadith premièrement une des preuves de la prophétie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, du fait qu'il a mentionné des choses au sujet des peuples précédents, des choses dont il n'a pas été lui-même témoin, mais Allah azza wa jalla lui a révélé ces choses-là. Donc ça c'est la preuve que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam il parle de la, par rapport à la révélation, et que c'est un vrai prophète. Deuxièmement, il y a dans ça également le fait que d'égorger pour autre que Allah, c'est du shirk. Et que le shirk, bien entendu, ça amène à l'enfer. Et donc, si quelqu'un avait égorgé quelque chose, même si c'est une petite chose, une mouche, un oiseau, un poulet, une outarde, hein, ou bien une perdrix, ou n'importe quoi, eh bien, ça c'est considéré du shirk. Alors que dire s'il avait donné en sacrifice un mouton ou des chameaux, hein, ou des choses de ce genre. Il dit ça c'est des choses que les gens donnent en sacrifice lorsqu'ils vont à la tombe de Al-Badawi en Égypte, à Tanta. Allah al-Musta'an. Ils ont là-bas une grosse tombe, un gros tombeau d'un homme qu'ils prétendent être un saint, hein, un saint soufi qui était mort là-bas. Et, subhanallah, ils vont faire des sacrifices à cette tombe, hein, et des offrandes à cette tombe, et ils vont faire des du'as à cette tombe, ils font même le tawaf autour de cette tombe. Donc tout ça, hein, pour quelle raison? Hein, parce que c'est du shirk. Allah al-Musta'an. Donc ça c'est des exemples de qu'est-ce qu'on constate là-bas. En réalité, j'ai entendu souvent parler de cette tombe que les gens vont visiter en Égypte, à Tanta, la tombe de Al-Badawi. Elle est à l'intérieur de la mosquée, subhanallah. Mais par contre, je ne l'avais jamais vue. Alors là, j'ai vu qu'il y a justement sur Internet, il y a des vidéos qui ont été faites. Il y en a qui montrent ce que les gens font là-bas. C'est terrible. Et moi, j'avais jamais vu ça vraiment. Mais je me suis dit, il y a sûrement quelque chose, une vidéo ou bien une image. Et puis, en effet, il y en a. Et les gens vont là-bas par milliers. Subhanallah. Ils ont mis sur la tombe toutes sortes de lumières et de genre de comment on dit, des décorations, des lumières de toutes les couleurs, hein? Ils ont éclairé la tombe, toutes des choses que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit de faire, et eux ils le font, subhanallah. Et puis tu vois, c'est des gens, ils s'en vont là-bas, ils font la salat, hein? Ils disent la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Et puis ils font ces formes de shirkiyat, hein, toutes sortes de formes de shirk, de bid'a, puis ils pensent que ça c'est correct. Il y a des gens là-bas, c'est des Égyptiens, c'est en Égypte, donc il y a beaucoup d'Égyptiens, mais il y a aussi des gens qui viennent de d'autres pays pour participer à ces égarements-là, Allah al-Musta'an. Donc tu vois que c'est des gens, ils sont complètement ivres. Ils ont complètement perdu la tête, Yann. Ala kulli hal, le cheikh il dit, donc ces gens-là ils viennent avec des moutons, des chameaux, ils viennent faire des sacrifices à Tanta. Et il dit, c'est pas juste à Tanta, il dit, c'est partout dans différents pays, dans différentes villes, hein, dans le monde musulman, des gens qui font des exemples de ce genre de shirk. Hein. Et il dit, excepté dans notre pays, alhamdoulillah, c'est-à-dire l'Arabie Saoudite, il dit, on a été protégé, Allah nous a protégé de ça parce que il y a eu cette da'wa bénie au tawhid, la da'wa du cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, qui a revivifié et régénéré la da'wa du tawhid dans ce pays. Et il dit, on demande à Allah de raffermir, hein, le pays sur le tawhid et de nous yani, protéger contre les gens contre le mal des ennemis de l'islam et de ce pays et des jaloux également. Et il dit, il y a également dans les autres pays, en dehors de l'Arabie Saoudite, des tombeaux qui sont occupés et visités jour et nuit, avec toutes sortes de formes de shirk et toutes sortes de catastrophes et de malheurs que les gens vont faire là-bas. Voilà, hawla wala quwata illa billah. Et le cheikh, il dit, c'est lorsque tu vois ça que tu réalises la grande grâce qu'il y a du fait d'être sur le tawhid et également yani, l'importance et la grâce de la aqida, hein, de la aqida et de la da'wa à Allah. Hein, de al-ikhlas, c'est-à-dire la pureté, la sincérité, yani, dans la aqida, hein, dans la croyance, que tu purifies ton adoration pour Allah seul. Et le cheikh, il dit que ça, c'est également, il dit, parmi les fruits de cette da'wa bénie, hein, qui appelle à Allah, et qui purifie la aqida des musulmans des différentes formes de shirk. Il dit qu'il purifie la terre des bid'a et du shirk qui sont propagés. Il dit, tandis que les autres voies, les autres méthodologies, hein, eh bien, elles ramènent des malheurs et du mal. Et chacun, ils ont leur propre propagande. Chacun, ils ont leur tariqa, leur voie qu'ils suivent. Hein? Mais il n'y a qu'une seule voie qui est valide et qui est acceptée. Et c'est la voie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Lorsqu'il dit « Wa anna hadha sirati mustaqiman falatattabi'uh wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uh wa la tattabi'u subula fatafarraqa bikum an sabilihi. » C'est-à-dire « Voici mon chemin droit dans toute sa droiture, dans toute sa rectitude, alors suivez-le. » Et ne suivez pas les petits chemins qui vous diviseront de son chemin. Hein, les petits sentiers qui vont vous diviser de sa voie, de son chemin. Ça, c'est le verset 153 dans Sourate Al-An'am. Donc, nous, on va s'arrêter ici pour aujourd'hui. Inch'Allah, on expliquera la suite au prochain cours par rapport à ce hadith-là. Subhanakallahumma bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.